Go back to bed, America. Your government is in control. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Que l'économie doit être au service du reste des liens humains. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Bonjour à tous, ici David Lemelin et bienvenue à Econophile. Encore les guns! J'ai pas vraiment le choix, là. Dernière affaire en lice, hein? Armer les enseignants. Wow! Pas toutes, là. Non. Juste 20%. Comme disait l'autre, hein, t'sais, OK. C'est... Donc, pour lutter contre les pirates de l'air, on va donner un fusil à tout le monde dans l'avion? Hein? L'idée a été lancée par Trump et très, très mal accueillie par, en fait, à peu près quiconque avait un peu de cerveau et de morale. Elle a même été décrite par des experts, même pas à gauche, là, d'idées colossalement stupides. Colossales. En parlant de stupide, le patron de la NRA, Mr. LaPierre, il faut le dire en anglais pour faire plaisir à Hockey Canada, donc M. LaPierre, est allé dire que ceux qui veulent plus de contrôle des armes sont contre les libertés individuelles. Ah bon? On est dans des considérations morales et philosophiques assez profondes, là, hein? C'est sinon colossales. Quand on entend ça, pour le contrôle égale contre la liberté. OK. Bon, d'abord, ça pose un problème de conception là, de fondamentale. Il y a un vice en partant. Si ta liberté individuelle signifie la possibilité bien réelle, et ça, on l'a vu d'ailleurs, les stats le montrent aux États-Unis, possibilité réelle de tuer du monde, alors on n'est plus dans les paramètres exclusifs des libertés individuelles. Là. En droit, la liberté individuelle s'arrête là où commence celle de l'autre, hein? La liberté d'avoir un fusil implique, par la force des choses, la capacité de mettre la vie d'autrui en danger. Ce faisant, ben, en principe, l'humain, qui est un être social, qui vit en société, est obligé de tenir compte de la portée sociale d'une décision individuelle comme celle d'acheter un fusil, bien, à plus forte raison quand on parle d'un fusil d'assaut. Donc, l'argument est fallacieux, il tient pas. Il n'y a pas de poigne du côté de la raison. Être pour le contrôle des armes n'est pas contre les libertés individuelles. Ça fait en fait plutôt appel au premier instinct normal d'un humain qui est celui de la survie. Avant le fun de défoncer des canisses dans le fond du jardin, il y a aussi le risque de tuer des gens. Hein? Le risque que quelqu'un d'instable ou qui pète les plombs puisse avoir accès à une arme dangereuse, meurtrière. C'est parce que l'homme vit en société qu'il n'y a pas le loisir de sortir une connerie comme « on s'en prend à mes libertés individuelles ». Non. Ce qui nous amène au fond des choses, alors pourquoi? Pourquoi? Follow the money. Trump dit qu'un prof armé, ça va décourager un fou furieux. OK, bon, mais les experts, les profs eux-mêmes ont dit non, ça ne marchera pas. Alors pourquoi? Pourquoi ils proposent ça? Je me suis amusé. Bon, c'est pas scientifique, mais juste pour s'amuser, là. Aux États-Unis, selon qui vous incluez dans la liste, là, c'est environ 3,5 millions de profs. Un revolver, ça peut tourner autour de 400. J'ai regardé, j'ai magasiné. Donc, faites 20% de 3,5 millions fois 400, ça donne 280 millions de dollars. C'est un cadeau de 280 millions que Trump veut faire à ses amis fabricants d'armes, genre. Et ça ne comprend même pas le coût d'entraînement, là, parce qu'on peut aussi gager que les centres d'entraînement sont pour la plupart probablement propriété des mêmes clowns qui vendent des armes. Bref, c'est jamais, jamais, jamais pour le fun. C'est jamais pour aider, c'est toujours, toujours pour le cash. Bienvenue à Econophile. Vous voulez nous retrouver sur Internet, les réseaux sociaux, sur leur blog, on est là. Ben allez aimer la page sur Facebook pour nous suivre, Econophile 891. Et puis, pour trouver le blog, deux façons, le bouton « En savoir davantage » sous le bandeau de notre page Facebook, ou encore, ben, vous allez sur econophile.net et vous y arrivez directement. Econophile.net pour lire des textes inspirés de nos discussions ou encore des livres que nous vous présentons. Et puis, vous y trouverez aussi la balado qui donne accès aux deux ou trois dernières émissions, ainsi qu'à la totalité des émissions qui sont disponibles dans cette section « Émissions ». Jean-Claude Cloutier, bonjour. David Lamelin, bonjour. Écoute, on se gâte encore cette semaine. Le sujet me faisait bien plaisir. Ben franchement, je te le dis, le modèle québécois, le fameux modèle québécois. Ben le modèle québécois, en fait, je ne sais pas de combien de temps que c'est, de quelle époque que ça date exactement, mais il me semble que ça fait au moins 20-25 ans qu'on entend parler. Peut-être même un petit peu moins de ces dernières années, mais on sait que ça revient toujours là. Surtout, curieusement, je pense que c'est un concept qui a été inventé par ce qu'on pourrait qualifier de droite économique. En général, on parle du modèle québécois pour dire qu'au au Québec, l'État est trop présent et ça coûte trop cher. Exact. Donc, on va faire le tour de cette question-là, surtout parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir campagne électorale dans les prochains mois. Et on va vraisemblablement encore parler du modèle québécois et de son poids et du fait qu'on est donc dans le trouble. Donc, on va vous en parler au cours de la prochaine heure. Et puis, on va aussi recevoir Isabelle Vaillancourt un peu plus tard, qui vient nous parler du coût de nos mauvais choix en aménagement urbain. Mm-hmm. Très intéressant. Et puis, enfin, ben, question de la semaine, Jean-Claude, très amusant. Ben, on va revenir un petit peu sur M. Becker, ben prix Nobel, dont on a parlé il y a deux semaines. Tu sais, ça t'avait fait sourire, toi, un peu, que son modèle économique du couple, du mariage, du couple. Et on va se poser la question. Je veux dire, il y a des statistiques qui sont sorties là-dessus il y a quelques jours. Dans quelle proportion les couples aux États-Unis, dans ce cas-là, se marient-ils? Se marient-ils pour des raisons économiques? Est-ce que Becker avait raison? Alors, on va donner la réponse en fin d'émission. Oui, je suis allé la chercher loin, celle-là, Jean-Claude. Oui, bien, je me demande même si Arrête a déjà entendu parler de cette chanson-là. Non, il me fait signe que non, effectivement. Ça me rappelait des bons souvenirs, d'une belle époque. Donc, modèle québécois, Jean-Claude, pour en parler, c'est quoi pour l'essentiel? Si on définissait un peu, effectivement, tu as commencé très rapidement tantôt, là, le fameux modèle québécois, de quoi on parle? Ben moi je verrais en gros trois dimensions là qui font que le Québec est une société distincte, une économie distincte aussi, la social-démocratie, puis on pourra l'élaborer dans quelques instants. Mais les deux autres dimensions, à mon avis, c'est la syndicalisation. Le Québec est encore fait bande à part en Amérique du Nord en ayant un taux de syndicalisation qui a baissé comme partout ailleurs, mais beaucoup moins qu'ailleurs. Puis le troisième élément, c'est la présence de l'État dans l'économie. On a entre autres trois acteurs majeurs, étatiques, la Caisse de dépôt et placement, dont on en a parlé pratiquement tous les jours. Ouais. Hydro-Québec, dont on en a parlé tous les jours, pratiquement. Et la Société des alcools du Québec, que certains rêvent de privatiser. On aura d'entendre parler probablement pendant la campagne électorale. Donc, en gros, c'est les trois dimensions, je pense, très importantes. Celle qui demanderait plus d'analyse ou de développement, là, d'explication, c'est la social-démocratie. En fait, l'intervention de l'État, à la fois pour prélever des impôts et les redistribuer sous forme de différents programmes sociaux et également de réglementation, parce que il y a pas juste l'aspect fiscal et l'aspect redistribution, il y a l'aspect également réglementation. Bref, réglementation à des fins sociales et environnementales. Et bref, le modèle québécois, dans le fond, c'est peut-être la social-démocratie là, de type européen en Amérique du Nord. Évidemment, on va en faire des critiques tout au long de l'émission, critiques positives ou négatives. Je sais très bien qu'il y en a qui trouvent effectivement qu'il y a beaucoup de lourdeur. Il y a aussi les statistiques, en fait, quand on se met à parler du poids des taxes. Hein. Ce que ça nous coûte, nous, que ça nous coûte donc lourd, ce modèle-là, ça coûte cher, c'est effrayant. Il y a une étude, il appelle ça un bilan, là, la chaire dans la fiscalité et en finance publique de l'Université de Sherbrooke, qui fait un excellent boulot en passant, a sorti son bilan annuel il y a quelques semaines, en janvier, et ça présente bien la situation dans le fond, puis ça confirme ce que tout le monde sait ou à peu près, le Québec, la charge fiscale, le pourcentage d'impôts et de taxes que tu payes de toute nature sur le PIB québécois, c'est 38,5. Et on est plus élevé que toutes les autres provinces canadiennes et probablement tous les États américains également. Par contre, si on se compare à d'autres pays, bien, au Québec, donc c'est 38% du PIB qui va en impôts et taxes de toute nature. Vous avez en France, vous avez 45%, donc c'est plus élevé. En Belgique, c'est autour de 44%. Aux États-Unis, par contre, c'est 26%. Donc, on voit la différence. Si on fait vraiment bande à part par rapport aux États-Unis, le Mexique, c'est autour de 18%, je pense. Fait que c'est nos partenaires de l'ALENA, là, nous autres. Oui, là. Bien sûr. Fait que ça donne un peu une idée. Peut-être aussi compléter ces statistiques-là de la chaire en fiscalité de l'Université de Sherbrooke pour dire que ça a quand même augmenté le poids là, de la fiscalité au Québec. C'est en hausse depuis les années 80. Curieusement, encore là, on est à contre-courant du néolibéralisme qui, on sait, a commencé avec Reagan en Amérique du Nord au début des années 80. D'autres, depuis 1981, on a augmenté de 5% en termes de points de pourcentage. Donc, on est passé en gros de 32-33% à 38,6% du PIB. Donc, on fait vraiment bande à part là-dessus. Moi, je suis un peu content de ça. Je suis content qu'on ait un caractère vraiment distinct. Là. Indépendamment, je ne parle pas si c'est trop ou pas assez, là, mais le fait qu'on est vraiment, là, ceux qui en douteraient encore, là, le Québec, ce n'est pas des Nord-Américains comme les autres. Effectivement, puis d'ailleurs, moi, je vais rebondir. Il y a quelques éléments, là, que j'ai toutes sortes de choses à vous lire, pas à vous dire, notamment pour ce qui est du poids de nos impôts. Hein. Le document qu'on a lu ensemble, Jean-Claude, de l'IRIS, qui a été produit en février 2013, les Québécois les plus imposants en Amérique du Nord, ils se sont penchés là-dessus. Et on fait ça à peu près chaque semaine, nous ramener des éléments qui nous permettent au moins de mettre dans une perspective différente ce qu'on avance en premier plan. On est les plus taxés, c'était épouvantable. Ah bon, le travail qu'a fait l'IRIS, et je le mettrai en lien quand j'aurai le texte sur le blog d'Econophile, je le mettrai en lien avec, c'est extrêmement intéressant où on se met à comparer en faisant attention, en prenant les parts, ça dépend des clientèles, ça dépend de qui on parle, les beaucoup plus riches payent plus. Par contre, il y a certaines catégories de gens qui c'est pas le cas du tout. Donc, je fais juste vous lire un petit bout de la conclusion que vous compreniez qu'est-ce qu'ils veulent en dire par rapport à ça. Le portrait qui se dégage d'une étude approfondie de la fiscalité québécoise est bien différent de celui associé à certains préjugés tenaces. En effet, les Québécoises ne sont pas la population la plus imposée au monde ou même en Amérique du Nord. La majorité des contribuables sont en fait moins ou autant imposés qu'ils ne le seraient aux États-Unis ou dans le reste du Canada. Voilà qui met un bémol important au discours préconisant plus de compétitivité fiscale au Québec. Parmi les 13 pays de l'OCDE, la charge fiscale de nos différentes catégories de contribuables ne dépasse jamais le 7e rang. Donc ça, c'est intéressant. Comment, dans ces conditions, affirmer que le Québec fait figure d'exception en imposant trop lourdement ses contribuables? Il serait également possible d'imposer davantage les contribuables, disent-ils, aux revenus les plus élevés, en particulier les 10% les plus riches qui ont vu leur taux d'imposition diminuer de 3% eux autres. Donc ils disent, on l'est pas tant que ça, il y a moyen d'aller ailleurs, c'est chez les plus riches notamment qui, eux, ont eu des baisses. Donc, ça met quand même un bémol. Je sais que tu l'as lu, ce document-là. Mm-hmm. Je trouvais ça intéressant. Oui, oui, c'est des nuances importantes parce que tout n'est pas blanc ou noir. Là, oui, oui, exact. Il y a quand même des zones grises là-dedans. Moi, j'apportais une autre nuance. Je pense que l'IRIS l'avait abordé, mais la chaire en fiscalité, là, dans le rapport récent que je citais tantôt, a également mentionné ça, c'est que le portrait change beaucoup quand tu inclus ce que tu reçois de l'État aussi, sous forme de programmes de toute nature, de prestations de toute nature. Donc, si tu tiens compte de tous les impôts, non seulement des impôts, mais des cotisations que tu verses à des régimes d'assurance publique, mais tu tiens compte aussi de ce que tu reçois du gouvernement, la situation change beaucoup. La charge fiscale nette du Québec est inférieure à la moyenne des 35 pays de l'OCDE, puis est inférieure à peu près tout ce qu'il y a en Amérique du Nord aussi. Donc, quand tu tiens compte de, à la fois de ce que tu donnes, de ce que tu reçois du gouvernement, de l'État, le Québec s'en tire, les Québécois s'en tirent relativement bien finalement. On en a. Est-ce qu'on en a pour notre argent? Le débat reste à faire, là, mais il reste, la situation est très différente quand tu tiens compte non seulement de ce que tu donnes, mais de ce que tu reçois également. Oui, parce que de toute façon, ça, moi, c'est le commentaire que je ferais par rapport au modèle québécois. Le modèle québécois, aujourd'hui, moi, ce que je déplore, c'est que c'est davantage devenu un slogan que d'autres choses. T'sais, c'est davantage dans le message public, politique. Je suis pas sûr qu'il y ait tant de politiciens ou de gens qui sont capables de définir convenablement ce que c'est que le modèle québécois, et qui s'est rendu une espèce de d'outil électoral, dire « Ah, oh, c'est épouvantable, faut faire des changements. » Oui, mais des changements sur quoi puis comment? Parce que quand on regarde les statistiques, puis nous, on s'amuse à peu près à chaque semaine à décortiquer quelque chose de l'économie québécoise, on se rend compte que il y a des moins, mais il y a des beaux plus. Il y a des plus qui sont intéressants. Puis d'ailleurs, toi-même, dans ton livre, quand tu en fais mention, quand tu dis que si en matière économique, les sociétés doivent poursuivre à la fois la croissance de la richesse et sa répartition, on peut raisonnablement conclure que le Québec a été au mieux moyen pour ce qui est de la croissance, donc on sait qu'il y a peut-être moyen de faire mieux pour le premier objectif, mais plutôt performant pour le deuxième, donc dans la répartition. Donc c'est un choix qu'on décide de faire nous là-dessus. Ben moi, j'ai toujours, ben la première émission à laquelle j'ai participé avec toi, David, l'an passé, en janvier, moi je pense que j'ai mentionné que je suis pas le seul à dire ça là, parmi les économistes, mais je pense que la fonction de la science économique, c'est on s'intéresse à deux choses. La création de richesses, mais sa distribution également. Fait que c'est un peu ça que tu viens de rappeler, c'est-à-dire que sur la création de richesses, les gens qui sont plus d'obédience néolibérale vont dire « Ouais, mais le Québec, c'est plutôt médiocre. » Puis ils ont un peu raison, si on se compare au reste de l'Amérique du Nord. Mais on pourra expliquer les raisons tantôt, qui sont pas toutes si accablantes que ça pour le Québec. Mais pour l'autre volet de la science économique, ou de les enjeux économiques, là, je pense que le Québec est très performant. On s'en tire, la performance est quand même très, très correcte. Et d'ailleurs, ça apparaît dans les indicateurs de bien-être, les sondages sur êtes-vous satisfait de la vie, etc. Les Québécois, en général, sont là-dessus, sont relativement contents par rapport à d'autres Nord-Américains. Bien, c'est ça. C'est parce que ça dépend aussi comment on définit ce qu'on veut faire. Si le but, c'est la croissance, on va avoir des moins, c'est sûr. On va être déçus. Par contre, quand on parle de bonheur, puis tu consacres tout un paragraphe à ça, je sais pas si je peux me lancer, mais tant qu'à faire, quand on parle de bonheur, finalement, on se rend compte que comme société, un peu plus de solidarité, un peu plus de répartition égale souvent aussi plus de bonheur collectif. Le bilan de l'économie québécoise est ambivalent, écris-tu. D'une part, les Québécois profitent d'un niveau de vie qu'envirait une majorité d'autres sociétés dans le monde, c'est vrai, incluant bon nombre de pays développés. De plus, les revenus générés par l'économie québécoise ont été partagés entre les citoyens plus équitablement que dans la plupart des autres pays. Bon, mais ça, ça a des effets. Cette répartition des revenus a été assurée en bonne partie par les programmes de transfert du gouvernement, mais elle résulte aussi d'une baisse notable du taux de chômage. Ça, c'est dépend des époques, oui. Les écarts limités entre les revenus des plus riches et ceux des plus pauvres y sont certainement pour quelque chose dans le fait que la population québécoise ressort au tout premier rang, ou à peu près, le mondial, des enquêtes portant sur le bonheur de vivre des sociétés. Le sentiment de satisfaction des Québécois vient sans doute aussi en partie de ce que, dans les dernières décennies, ils ont profité de meilleures conditions de logement, accédé à l'université en plus grand nombre. C'est des facteurs, ça compte, ça, là-dedans. Vu allonger leur espérance de vie, multiplier les voyages, acquis une grande variété de biens, diversifier leur consommation alimentaire. Bref, leur aisance matérielle a nettement progressé. Fait que c'est ça aussi, là. Puis c'est ce que s'amuse à faire dans nos différents chercheurs disent que c'est plus compliqué que juste s'intéresser à la croissance, à propos de laquelle on s'obsède quand même pas mal. Absolument. C'est bien écrit, hein? C'est ça que tu voulais me dire, hein? Non, c'est pas ça que je voulais dire. On va faire juste une petite pause musicale, quelques instants, puis on poursuit avec ceux qui ont des commentaires à dire, dont mon cher Alain Dubuc, que j'aime beaucoup. Qui donc est nostalgique de ces fanatiques qui prenaient la rue, pancarte au poing? Et criait le règne de ceux qui parlent pas la même langue qu'eux. Oh Dieu merci, tout ça est bien loin. Nous sommes aujourd'hui enfin ouverts d'esprit et étrangers aux vieilles harangues. Maintenant nous sommes tous frères, il n'y a plus de frontières et l'amour est plus fort que la langue. Ah oui, l'amour est plus fort que la langue. Le monde paraît sous un meilleur angle. Quand on regarde en avant plutôt qu'en arrière, sans ces vieilles œillères qui empêchent de voir que l'amour est plus fort. Alors allons-y, Jean-Claude, tout de suite pour parler. Je vais juste lire quelques lignes là, de ce texte d'Alain Dubuc qui date quand même un peu, c'est 2017, mais d'après moi, son opinion n'a pas changé d'un iota. Le titre, c'est... du texte, juste pour vous dire, « Pauvre parmi les riches ». Ah, c'est difficile. Alors, plutôt ce mois-ci, l'Institut de la statistique a publié des données récentes sur le produit intérieur brut. Lui, c'est ça, il aime ça beaucoup, le PIB, par habitant, en soulignant que le Québec se classait en 2016 au 21e rang des pays de l'OCDE. Il n'y a rien de nouveau, c'est vrai l'année d'avant, c'était vrai aussi il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Les chiffres changent chaque année, le rang peut bouger un peu en fonction des déboires des pays auxquels on se compare, des mouvements des taux de change ou du choix des pays que l'on inclut dans le classement. Mais dans tous les cas de figure, la conclusion est toujours la même. Le Québec n'est pas pauvre, loin de là, mais on peut dire sans se tromper qu'il fait partie du groupe des pays les plus pauvres dans le club des pays riches. Alain aime beaucoup ça, la richesse. Il en a fait l'éloge d'ailleurs dans un bouquin. Oui, ben en fait, c'est oui, puis c'est peut-être le dernier article qu'on a repéré d'Alain Dubuc. C'était le dernier, mais il y en a eu plusieurs autres avant. Puis je dois dire que M. Dubuc n'est pas le seul quand même. Il y a beaucoup d'autres boîtes de recherche, enfin des instituts comme ils s'appellent, qui aiment ça rappeler que le Québec est un peu à la traîne, là, notamment en Amérique du Nord là-dessus. Et Alain Dubuc, ça me rappelle à chaque année qu'il sort toujours un article en disant ben là, les statistiques viennent de montrer, par exemple, que le revenu personnel disponible des Québécois est rendu à l'avant-dernier ou au dernier rang. Puis à chaque fois, ça me donne un peu un coup parce qu'il reste que ça fait un petit peu mal au cœur quand tu dis que tu viens, t'es au niveau de l'île du Prince-Édouard ou du Nouveau-Brunswick, t'es le dernier au Canada ou à peu près. Salut. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est jouer ses mots. Ben pas c'est jouer ses mots, c'est vrai. Quand t'as de revenu disponible, ça veut dire après impôt. C'est-à-dire, c'est logique, on paye plus d'impôts au Québec, donc c'est normal qu'une fois t'enlèves l'impôt, il t'en reste pas mal moins dans tes poches. Mais ces articles là, oublie toujours de dire que ce qu'on a mentionné tantôt, c'est oui, mais qu'est-ce que je reçois en retour? C'est ça la véritable question. Si les Québécois choisissent, je ne sais pas s'ils choisissent vraiment, mais en tout cas, il semble que oui, parce que c'est ça qu'ils demandent aux politiciens, de sortir davantage de programmes de toute nature, ouais. Puis de ne pas trop augmenter vite les frais de scolarité, etc., etc. Ben, est-ce qu'on en a pour notre argent? C'est ça la véritable question. Puis des indicateurs indirects, on a mentionné quelques-uns tantôt, si on regarde au niveau de la qualité de vie, autour de la satisfaction dans la vie, du bien-être, je ne sais pas trop, il semble, l'espérance de vie, il semble qu'on s'en tire quand même pas si mal. Ben, c'est même très important, parce que oui, on fait le choix, on a moins d'argent disponible, mais c'est parce qu'il y a des choses qui, en quelque part, sont payées. Hein? L'argent qu'on a envoyé, qui a servi à payer des services, ben, il y a peu ou pas de tarification, dépendamment. Je lis un petit court article d'Éric Desrosiers qui dit avantage Montréal et le Québec, le faible coût de la vie et des services publics, voilà, compense amplement les impôts plus lourds. C'est la conclusion du texte. Il dit le coût de la vie est généralement beaucoup plus bas au Québec qu'en Ontario, en Alberta ou aux États-Unis, même lorsqu'on tient compte de sa fiscalité plus lourde, conclut une étude. Caractérisée notamment par des services public à bas coût et une fiscalité plus lourde mais progressive, Montréal s'avère nettement plus abordable que Toronto, et ça, on le sait. Pour les 19 types de ménages analysés, c'est quand même pas rien, constatent deux économistes de l'UQAM. La métropole québécoise fait mieux que Calgary, à l'exception des familles à revenus plus élevés qui n'ont pas d'enfants à la garderie ou à l'université. Il en coûte aussi nettement moins cher de vivre dans la ville américaine de Philadelphie pour les ménages plus riches en raison de la fiscalité, mais aussi en raison de l'éclatement de la bulle immobilière. Donc, il faut tenir compte de ça dans nos calculs. Oui, c'est important. Ben, c'est-à-dire que c'est ce que puis le professeur Fortin, ici, que tu as interviewé oui. L'automne passé, il apporte souvent ces arguments-là dans ses articles, dans l'actualité ou ailleurs, que c'est bien beau le revenu comme tel, que tu as même le revenu disponible, mais il faut que tu te rendes compte de qu'est-ce que ça te coûte. Puis effectivement, on est bien chanceux. Pour toutes sortes de raisons, l'électricité coûte moins cher au Québec. Bien puis oui. Les logements coûtent moins cher. Puis d'autres activités aussi peuvent coûter moins cher. Le logement est peut-être quand même une partie importante du budget des ménages. Et comme l'étude que tu viens de mentionner le mentionne très bien, là, on s'en tire plutôt bien. En fait, dans toutes les catégories, je pense, je me souviens plus, il y avait 19 types. 19 oui, types 19, de messages. C'est ce qu'il dit, là, oui. C'est-à-dire couple sans enfants, couple avec deux enfants, l'université ou pas. Dans tous les cas, le coût de la vie est plus faible à Montréal qu'à Toronto. Dans tous les cas. Il y a quelques exceptions, par contre, par rapport à Calgary ou à Philadelphie, qui sont les deux points de comparaison. Mais reste que c'est quand même, à quelque part, faut quand même se réjouir c'est de ça. C'est significatif. D'ailleurs, Pierre Fortin, dont tu parlais, ben, réagissant à la publication des données sur le revenu médian des ménages plaçant le Québec en queue de peloton, l'économiste Pierre Fortin rappelle qu'une fois le coût de la vie pris en compte, un couple québécois affiche un pouvoir d'achat supérieur de 5 % à celui d'un couple ontarien. Ah bon? Tiens ah oui. donc. Ben oui, s'il y a des raisons. Il y a des raisons de se réjouir. En fait, on peut être content de ça. On peut être content que dans ce cas-là, le modèle québécois semble nous avantager. Peut-être, l'Institut du Québec aussi, qui est un nouvel institut créé au HEC depuis une couple d'années, là, présidé par l'ex-ministre M. Bachand, en fait, le président du conseil d'administration de cet institut-là, a sorti une étude l'été passé comparant là aussi Montréal à d'autres, des métropoles, des grandes villes à peu près de même taille là, en Amérique du Nord. Et encore là, Montréal s'en tire très, très bien comparativement. En fait, dans ce cas-là, il se fait déclasser par Toronto dans une série de critères, mais il arrive en deuxième position sur 15 quand même. Alors que Philadelphie, dont on a parlé tantôt, dont les gens payent moins d'impôts parce que à cause de la politique fiscale américaine, oui. arrive en dernier lieu, Philadelphie. Alors Montréal s'en tire très bien, arrive même au premier rang pour le logement, on en a parlé. Il arrive en quatrième position sur 15 pour l'espérance de vie. Il arrive en première position pour le taux d'homicide, ça va te plaire. Taux d'homicide, évidemment, parce qu'on a moins qu'ailleurs, pas parce qu'on a plus. Alors, ça s'intéresse Becker, ces affaires-là. Ben, c'est ça. Alors, par contre, on performe moins sur les familles sous le seuil de pauvreté. Ça, on est quand même en 12e, à Montréal, on est en 12e position. Donc, là, c'était quand même un peu moins bien. Mais il reste que, grosso modo, cette étude-là, sur 15 grandes villes nord-américaines de taille comparable, là, t'as Seattle là-dedans, Portland, des choses comme ça, Saint-Louis, San Diego, ben Montréal arrive en 2e position sur 15. Encore là, c'est quand même intéressant et encourageant comme information. Évidemment, vous entendrez des gens en campagne dire que le modèle québécois est rendu à bout, plus capable, trop lourd, sous-performant, pas bon. On n'arrête pas de donner des statistiques chaque semaine qui tendent à démontrer le contraire. Mais je t'amènerai sur un terrain quelques instants sur les inégalités. Parce que s'il y a une chose qui frappe et qui marque par rapport au modèle québécois, ça avait été notamment l'objet, vous le savez, on en avait parlé à l'émission de Nicolas Zorn, le chercheur qui avait produit un livre, le 1% le plus riche, l'exception québécoise, me semble de mémoire, était le titre du livre. Puis ce qu'il disait en gros, c'est que parce qu'on a le modèle québécois, ben nous, les inégalités ici, c'est moins pire. Ben non seulement c'est moins payé, mais une chance que tu y as pensé, parce que je l'ai oublié dans mon tableau de l'Institut du Québec. Et effectivement, il mentionnait que Montréal était en première position là-dessus, sur 15 municipalités nord-américaines, 15 grandes villes nord-américaines. Donc, et là-dessus, on bat Toronto, on bat toutes les autres villes de tasques. Et ça, on sait qu'indirectement, réduire les inégalités en soi, c'est une bonne chose, mais ça a toutes sortes de conséquences sur la frustration des citoyens, sur leur qualité de vie, sur leur sentiment d'être heureux ou pas, sur leur santé à la limite. Donc, c'est quand même un facteur important. Et n'oublions pas que le FMI, la Banque mondiale, des organismes très à gauche, comme on sait, se sont prononcés là-dessus en disant que les inégalités, ça nuit à la croissance. Donc, même ceux qui tripent sur la croissance doivent tenir compte des inégalités. On l'admet candidement aujourd'hui. Idem pour l'austérité, d'ailleurs, ils disent la même chose. Mais ça fera l'austérité, mais les inégalités, ça nuit à la croissance. Donc, sachant ça pour nous, pour notre modèle québécois, faut en tirer les conclusions qui viennent avec, là. Bien ça, on l'a mentionné quelques fois à l'émission aussi, c'est que, dans le fond, réduire les inégalités, ça veut dire redistribuer du pouvoir d'achat dans la grande masse des citoyens, puis les grandes masses des citoyens, c'est eux qui dépensent le plus. Quand tu as 20 000 par année, là, le dernier dollar que tu as, tu le dépenses. Quand tu as 200 000 par année, les derniers 20 000 que tu as, tu les places à Wall Street. Fait que ça fait une grosse différence. Exactement. On va faire une pause et puis au retour, on va parler est-ce qu'il y a des choses qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On revient. C'est l'émission Économophile qui se poursuit à CKRL 89.1 avec David Lemelin au micro, la collaboration de l'économiste Jean-Claude Cloutier, Gary Dorreur à la mise en onde. On parle du modèle québécois, on parle pas de mannequin ici, on parle d'économie. Et je voulais t'amener juste avant qu'on parte sur les choses à changer, autant qu'à être dans les chiffres, vous allez dire, t'es parti David, là, c'est solide, mais oui, effectivement... Un texte qui est paru dans ce qui s'appelle le bulletin des membres de l'IRIS, parce que imaginez-vous que je suis membre de l'IRIS, c'est incroyable. On dit un Québec en retard. On pose la question et on y répond par un court paragraphe qui va comme suit. D'abord, si on se présente en campagne électorale, par exemple, on s'attend à ce que la CAQ fasse ça, dise ça comme message, c'est possible. D'abord, un tel gouvernement partirait de la prémisse que le Québec est pauvre. Si on dit ça, là, sur les 61 États américains et provinces et territoires canadiens, nous n'occuperions que la 57e place avec un PIB par habitant de 36 406 $ en dollars US de 2004. De 2014. Mais un tel indicateur est-il suffisant pour dépeindre négativement la situation québécoise? La réponse est simple, non. Complexifions un peu le portrait par une comparaison avec l'Ontario. On aime ça se comparer avec l'Ontario. À l'ouest de la rivière des Outaouais, le revenu médian du 90% inférieur, là, je viens d'en perdre une coupe, donc la part de la population dont on retire le 10% le plus riche, hein, vous comprenez qu'on enlève le 10% le plus riche, là, est inférieur de 2,4% celui de la population équivalente au Québec. On parle de 28 600 $ en Ontario, 29 300 au Québec. Si on fait exception des revenus des plus fortunés, on constate donc que les Québécois et les Québécoises ont de meilleurs revenus que leurs voisins. Aussi, rappelons que le coût de la vie est en moyenne plus bas de 5 % au Québec. Donc, l'image du retard québécois n'est donc pas une représentation juste de la réalité. Hein, quand on enlève la partie la plus riche, qui est peut-être l'exception, qu'on prend ce qui reste dans le 90, on se rend compte qu'on suit, on est comparable. Mmh. C'est ça que nous dit finalement l'Iris là-dedans, ce qui vient rajouter une couche sur ce qu'on dit depuis tantôt. En fait, ça veut dire que les classes moyennes sont assez comparables. Voilà, finalement. Voilà, tout à fait. Maintenant, Jean-Claude, il y a quand même des choses sur lesquelles on peut insister, des choses qui sont importantes, des facteurs lourds desquels il faut parler aussi quand même par rapport à notre situation. La question que tu évoquais tantôt, c'est... qu'est-ce qu'on doit changer? Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut aussi se poser la question, est-ce qu'on doit changer des choses? Parce que moi, je dirais, dans le fond, pour caricaturer ou simplifier les choses, pour la partie redistribution, qualité de vie, bien-être, disons qu'on change. Ça va quand même pas si mal, comme on l'a dit tantôt. C'est plus pour la partie croissance. L'autre volet de l'économie, là, est-ce qu'on croit moins vite que les autres? C'est ça qui fatigue beaucoup, dans le fond, ceux qui critiquent le modèle québécois. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je suis un petit peu défaitiste là-dessus parce que je pense qu'on est un peu injuste pour le Québec. Se comparer à l'Ontario, se comparer à la Californie, c'est qu'il reste que nous autres, on est près avec la géographie puis on est près avec la langue. C'est deux contraintes majeures. La langue fait que tu as moins de mobilité parce que t'as pas la même culture, t'as pas la langue anglaise à partage, donc c'est plus difficile de faire des affaires peut-être. C'est pas un obstacle insurmontable, mais c'est un handicap, disons, qu'il faut que tu surmontes. Mais surtout la géographie qui est très importante. On est pris, nous, dans la partie nord-est. Je l'ai déjà parlé ici de oui, ça. Oui, pour moi, c'est fait. Très important, mais je pense on oublie plutôt que se comparer à l'Ontario pour Michigan et à Californie, il faut se comparer à Terre-Neuve ou à Nouveau-Brunswick, puis au Maine. Puis là, on s'en tire quand même pas si mal. Qu'est-ce que le Maine a fait de bon depuis 150 ans? Pas fait grand-chose. À part qu'accueillir des touristes québécois au Lodgeur. C'est en tout respect pour nos amis du Maine. Il reste qu'on a des contraintes climatiques et géographiques avec lesquelles il est difficile de contrecarrer ça puis de lutter contre ça. C'est l'agriculture. Le nombre de jours où l'agriculture peut performer au Québec, c'est beaucoup moins nombreux ces jours-là que c'est le cas dans le sud de l'Ontario ou en Pennsylvanie, peu importe ton point de comparaison. Donc, je pense qu'il y a des limites à ce qu'on peut faire. Revenons sur le capital humain, par contre. Là, on a peut-être encore certains gains à faire. C'est encore cette semaine, je voyais dans les journaux, il y avait des données sur le manque de littératie des Québécois. Là, on est moins performant que les Ontariens là-dessus. Le niveau 3, là, c'est-à-dire les gens ils sont capables de distinguer les lettres de l'alphabet, mais lire un paragraphe de 3 ou 4 phrases, là, la dernière phrase, je ne rappelle plus c'était à quoi le sens de la première, on va bien intégrer ça. Les Québécois ont de la misère avec ça. En tout cas, une bonne partie des Québécois sont ce qu'on appelle des illettrés fonctionnels, des analphabètes fonctionnels. Ça, il y aurait peut-être certaines choses à améliorer là-dessus. Bon, effectivement, le capital humain, investir en éducation. Alors, au lieu de baisser les difficultés puis de dire qu'on a un taux de réussite qui est meilleur, on devrait investir parce que ça permet, hein, quand on a des beaux taux de réussite, on va mettre moins d'argent dans la réussite. De toute façon, ça va mieux. Non, ça va pas mieux. C'est juste moins compliqué. Faut faire face à la réalité parce que le combat, il est planétaire, d'une part. Mais par rapport aux Français, je vais revenir quelques secondes parce que tu dis en même temps dans ton livre, puis c'est vrai, c'est quand même de moins en moins lourd aussi. Les jeunes ont tendance à parler anglais. Il y a plus de fluidité. Il y a une capacité nouvelle d'intégrer l'anglais dans ta culture, si bien que est-ce que ce sera toujours si lourd que ça? Peut-être de moins en moins. En tout cas, je comprends que le fait français demeure. Puis il y a sûrement des gens qui nous écoutent qui ont déjà pensé, par exemple, aller travailler à tel endroit ou à l'autre. Puis ah non, ils demandent à quelqu'un de bilingue. Je suis pas bilingue. C'est un fait. On le sait que ça existe. Mais c'est peut-être de moins en moins lourd. Je serais peut-être plus... Honnêtement, si j'avais réécrit mon livre aujourd'hui, j'avais écrit quand même il y a 4-5 ans, là. Puis pour moi, là, j'avais posé ça en termes de langue. La langue étant une espèce d'approximation pour la culture. Aujourd'hui, je mettrais plus l'accent sur la culture. Je pense que les Québécois ont encore des façons d'être, de penser, qui sont un peu une histoire aussi qui est différente de celle de la part des Canadiens. On a répété souvent ici qu'à Toronto, puis à Vancouver, 50% des résidents sont nés à l'extérieur du Canada. Ouais. On a peut-être certaines différences avec des Canadiens anglais de souche, mais maintenant, c'est même plus des Canadiens anglais de souche, là. C'est des cycles de souche qu'on a. Fait que c'est que moi, je pense qu'il y a encore une différence culturelle qui peut constituer un certain obstacle. Mais encore là, c'est pas insurmontable. Il y a bien d'autres pays qui ont vécu avec ça puis qui s'en sont tirés. Il ne faut pas prendre ça comme une excuse, autrement dit. À mon avis, l'obstacle de la géographie puis du climat est plus préoccupant et plus lourd. Mais encore là, on va peut-être y revenir tantôt là, sur les mines de Bitcoin. Là. Ouais. Des fois, ça peut nous avantager. On a aussi l'avantage des ressources naturelles. Il reste que malgré tout, on s'en tire relativement bien au niveau des ressources naturelles, même si certaines sont un peu moins abondantes qu'avant. Je parle notamment de la forêt. Mais ça peut être un avantage sur lequel on peut capitaliser encore. Bien, différence culturelle, on a aussi parlé à l'émission de l'aspect entrepreneurial, hein? La fibre entrepreneuriale n'est pas aussi forte qu'ailleurs, ça reste aussi un fait. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus, le professeur nous en parlait autrefois, donc c'est intéressant, il y a des avenues là aussi quand même. Il y a des avenues, mais moi, là-dessus, ça aussi, je trouve qu'on a un petit problème parce que les gens sont, on l'avait dit à l'émission aussi, les jeunes sont plus sympathiques, si tu veux, aux entrepreneurs. Ils trouvent que c'est correct d'avoir une carrière d'entrepreneur, mais ils sautent pas dans, ils lancent pas leur entreprise pour autant. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont comme sympathiques à ça, mais ils disent ça, c'est pour les autres, tu sais. Fait que, ça, je pense qu'on compte encore beaucoup sur le modèle québécois. Même chez les jeunes, on compte encore que le gouvernement va s'occuper de tout, puis on va trouver une bonne job avec un bon boss, bon, bien content. Je suis un petit peu cynique en disant ça, puis c'est peut-être correct aussi, là. Je veux pas être trop négatif. Non, mais je pourrais te ramener des considérations philosophiques. Est-ce qu'il faut absolument être comme les autres? Est-ce que quand je reviens à la valeur du bonheur, ça a l'air un peu gaga, mais c'est important. Est-ce que ça répond à nos besoins? Est-ce que ça répond? Est-ce que ça rend la société heureuse? Si c'est oui, est-ce qu'il faut absolument coter les autres en croissance? Moi, je crois pas. La redistribution telle qu'on l'a fait, on dit que le gouvernement fait tout. Enfin, il fait pas tout. Je veux dire, il en fait beaucoup, mais il fait pas tout. Il y a encore en masse d'initiatives. Puis le modèle québécois fait en sorte que quand il y a des crises, on en a vécu des soubresauts solides dans les dernières années, sinon décennies. Et c'est drôle, le Québec s'en sort bien. Ben oui, c'est ça aussi que ça permet de faire. C'est un véhicule qui permet de passer au travers les bosses. C'est pas une Formule 1, mais c'est drôle. Les bosses, nous, on est capable d'y prendre. Oui, en ski comme dans la vie. Ouais, c'est vrai, on a des bons gars. Ouais, ils sont bons. On est bons bosseurs aussi. Mais je pense qu'effectivement, la conclusion, moi, j'en arrive toujours un peu à cette conclusion-là, c'est qu'on a peut-être au Québec, on a trouvé un équilibre quand même acceptable là, entre une croissance assez échevelée puis une répartition. On essaie de trouver une espèce d'équilibre entre les deux pôles de l'économie encore. Puis peut-être que c'est correct aussi. Peut-être que le modèle québécois est quand même correct. Fait que finalement, on est des chialeux. Merci beaucoup, Jean-Claude. On fait une pause au retour. C'est la chronique d'Isabelle. Restez là. Isabelle Vaillancourt, bonjour. Bonjour. Ça va, toi? Oui, ça va très bien, merci. Bon, écoute, j'avais hâte de te revoir. J'aime beaucoup tes chroniques. Merci. C'est toujours intéressant. Et en plus, cette semaine, tu nous donnes un peu, tu verses un peu plus que dans l'économique d'habitude. Là. Je fais des gros efforts. Correct, je suis indulgent dans ma capacité de me les mettre en bouche, s'il vous plaît. Mais en même temps, tu vois, c'est ça l'objectif aussi, c'est de faire autre chose. Hein. C'est de nous, que tu nous amènes ailleurs. Là. Donc, le coût de nos mauvais choix en aménagement urbain, bien évidemment, tu devines bien que moi, ça me plaît beaucoup comme thématique, n'est-ce pas? J'ai un intérêt profond pour ces choses-là. Parce que oui, il y a des gens qui sont penchés là-dessus, qui s'intéressent à essayer de calculer ce que ça peut nous coûter, ces choix-là. Absolument. Vous savez, on en parle souvent à Saint-Marche-Doc. C'est un peu la base de Saint-Marche-Doc, faire les liens entre les choix en aménagement urbain, l'environnement, mais aussi des problèmes de santé. Et souvent, on se posait la question, en fait, ça coûte combien ces mauvais choix-là? C'est sûr que c'est un nouveau domaine. On le dit souvent, c'est un domaine de pointe. En fait, il y a quelques années, il n'y avait presque pas d'études qui existaient sur ce domaine-là. Et là, plus ça va, plus on en trouve. Donc, on s'est vraiment posé la question, est-ce qu'on est capable de chiffrer? J'ai eu il y a quelques semaines le bonheur pour l'émission de télé de faire une entrevue. Vous pouvez la voir, l'entrevue, c'est l'émission sur le TDAH, sur notre site, là, internetsamarjoc.org, avec l'économiste Jean-Pierre Évret, qui est professeur au département de stratégie responsabilité sociale et environnementale à l'UQAM. Bref, lui, l'Institut national de santé publique du Québec, lui a confié le mandat de produire un état de recherche, qu'on appelle une fameuse revue de littérature, là, sur la valeur économique des effets sur la santé de la nature en ville. Et ce qu'il a découvert, en fait, c'est qu'il y avait peu d'études sur le sujet qui avait déjà été réalisé jusqu'à ce jour, mais au moins c'était assez pour partir de point de départ et nous dire qu'il y avait des trucs parcellaires qui avaient été faits, et donc ça nous démontrait les liens et ça commençait à chiffrer. En fait, c'était un début de recherche, si vous voulez. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, en fait, c'est que c'est pas un phénomène... moi, je pensais que c'est un phénomène très nouveau. Puis dans le document, on note que l'architecte qui a conçu le Mont-Royal avait déjà cette vision-là. Là, c'est-à-dire qu'un peu de verdure, ça amenait des bénéfices en santé. Bref, si on résume, les bons choix, c'est des économies, et les mauvais choix, ça a des coûts. C'est pas plus compliqué que ça. Et M. Révrel, lui, nous dit qu'il y a deux grandes catégories de mauvais choix urbains. Il y a l'aménagement de nos villes pour l'automobile, qui amène évidemment tous les problèmes de santé liés à l'obésité, le diabète et tout ça. Pas le char encore. Ben, et la pollution, là, on pourrait en parler encore une heure, mais on va se limiter. Ouais. Et aussi le déficit en nature qu'on observe. Et comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'études qui ont évalué toutes les retombées de toutes les sources possibles, de toutes les dimensions possibles de la santé humaine, mais on a au moins accès à quelques données parcellaires, dont une sur l'effet bénéfique des arbres urbains sur le coût des maladies respiratoires. C'est un monsieur, un chercheur qui s'appelle Novak et ses collègues qui ont montré aux États-Unis que les arbres et les forêts ont retiré 17 millions de tonnes de polluants atmosphériques en 2010. Et ça, j'espère que vous êtes bien assis, là. Ça, c'est des... on parle d'économies sur la santé humaine évaluées à 7 milliards de dollars par an. Donc, on comprend que la valeur économique de ces arbres-là et ces forêts-là, correspond aux dépenses de santé qui ont été évitées. 7 milliards. Parce que, tu sais, j'aime ça parce que c'est ce qu'on fait ici à l'émission. On nous sort de l'économie un peu habituelle en disant, bon, ben coupez l'économie traditionnelle, hein, Jean-Claude, ce serait l'arbre est là, on le coupe, on vend en planches. Combien on fait avec les planches? Voilà. C'est terminé. Puis combien j'ai payé mon ouvrier pour le faire? C'est un peu ça notre bilan économique. Là, on dit, ben non, attends un peu. L'arbre qui est debout contribue à dépolluer. La dépollution, il y a des coûts en santé parce que la personne qui est malade va aller à l'hôpital. C'est ça l'affaire, là. C'est des études transversales qui demandent énormément d'investissement, de recherche aussi, puis de sortir des idées qu'on a des fois qui sont préconçues. Ouais. Le TDAH, c'est la même chose. Il y a d'autres chercheurs qui se sont penchés sur le trouble du déficit de l'attention. On en a déjà parlé. Durant les 15 dernières années, il y a plusieurs études qui ont été faites. Donc, le fait de fréquenter la nature, les espaces verts, on parle d'une vingtaine de minutes de marche dans un parc, ça équivaut à peu près à une dose de Ritalin. Donc, si on se base... ben oui. Si on se base sur les coûts des médicaments qui sont utilisés traditionnellement, l'hypothèse qu'on en substitue, en fait, bref, là, je vous arrive avec un autre 1,9 milliard de dollars aux États-Unis. T'es rendu à 8,9, là, t'as peu? 7, 8, 9. Presque 9. Presque 9. En voulez-vous d'autres? Oui, ça va bien. Cardiologie. Des études au Royaume-Uni et aux États-Unis qui ont documenté les liens entre les maladies cardiovasculaires et l'exposition des espaces verts. Bref, plus on fréquente les parcs ont diminué le risque de mortalité. Bref, une baisse du risque de mortalité cardiovasculaire de 5 %, ça équivaut à 1,2 milliard de dollars aux États-Unis. Santé mentale, juste le fait, en fait, on appelle ça la thérapie par l'horticulture, là. Le fait d'avoir accès à un jardin, un espace vert chez les patients qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer, on parle d'une réduction de 10 % des médicaments, et ça équivaut annuellement à 725 millions, 1,5 milliard de dollars par année. C'est une affaire de rien. Pollution de l'air, on avait fait la même chose au Canada. Mais ça, c'est important aussi, pollution de l'air, parce que ça aussi, il y a un coût. Quand on rattache un coût à ça, on va avoir une machine qui va produire quelque chose, on a des voitures qui vont produire de l'essence, on sait très bien, bon, okay, de la pollution, mais il y a un coût réel, là, au bout du compte, là, qui est important. Les chiffres que j'ai devant moi, c'est ça. Oui, puis c'est des chiffres canadiens en plus qui est intéressant. C'est l'Institut international pour le développement durable qui a sorti ces chiffres-là l'été dernier. En 2015, la pollution de l'air, ça a coûté 36 milliards de dollars au Canada seulement. On parle de 4 000 $ par année pour une famille de 4 personnes. Puis là, je vous parle même pas des 7 700 décès prématurés parce qu'on parle pas d'économie, là. Fait que je vous le mentionne pas. Fait que vous imaginez-vous, 36 milliards de dollars, c'est combien de tramways, ça? pour économiser, en fait, pour éviter de la pollution de l'air. C'est troisième lien, comme faux. Ça, on le sait pas. Ouais, ça, quoi que, peut-être, c'est peut-être juste deux. C'est peut-être juste deux. Effectivement. Non, mais non, écoute, quand on est rendu à 36 milliards, là, après ça, on est resté de faire semblant que c'est pas si grave que ça. Mais en fait, ce qu'on veut juste démontrer aujourd'hui, c'est l'impact phénoménal que la nature en ville ça a sur les coûts de santé. Et non seulement ça a des économies pour le système de santé, mais aussi c'est des pertes de productivité qui sont évitées. Et ça, Lucien Bouchard serait très content de ça. Ah, écoute, là, très heureux, là, franchement. Je l'aimais bien. Donc, c'est chaque dollar qui est investi dans le maintien ou la création d'un espace vert, c'est une amélioration de la qualité de vie des citoyens. Ça, on n'en a pas parlé, mais il y a ça aussi. Mais c'est aussi des réductions en coûts de santé. Écoutez, là, je veux juste en terminant vous dire deux choses. C'est qu'il y a le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, là, qui dit que le rapport des dépenses publiques de santé sur les revenus du gouvernement du Québec va passer, en fait, est passé de presque 43 % en 2013 à presque 70 % qui va être en 2030. Donc, si on veut que les choses changent, vraiment, là, il faut dès maintenant, puis on n'a pas besoin d'attendre. Là, je vous dis qu'il y a des études parcellaires, mais il me semble que c'est pas sorcier. On parle pas de centaines de milliers de dollars, de millions. On parle de milliards de dollars, et on le sait dès maintenant. Donc, et les choses iront pas en s'améliorant, parce qu'on le sait que la population est vieillissante. Les changements climatiques vont exacerber certains problèmes. Donc, il faut agir dès maintenant. Et ça, on n'a pas besoin d'avoir 10 000 études pour nous le démontrer. Ça nous ramène à ce qu'on disait par rapport notamment au fait que les médecins devaient voir plus de patients. On va se dire, attends un peu, il y a le facteur prévention. Si on investit davantage en prévention, ça fait moins de monde qui sont malades. Donc, il faut voir ça différemment. Puis c'est ce que tu proposes. Bien sûr, ça marche donc. C'est ce qu'on fait. En fait, c'est d'aller vers la prévention. C'est sûr que c'est pas les mêmes budgets. Puis il faut penser nos soins de santé d'une façon différente. Et on en discutait avant l'émission, peut-être à plus long terme aussi. Mais la prévention, c'est pas dans nos schémas économiques. On dirait que ça, c'est hors radar et politique, absolument. Oui, ouais, j'ai prévenu tant de gens de tomber malade. C'est comme ça, c'est un bilan bizarre en campagne électorale, mais de dire on a soigné tant de personnes. Ah, ça, c'est clair. T'sais, c'est facile, c'est bien. C'est le temps d'attente a réduit de 17 secondes. T'sais, c'est clair, ça. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Puis, très belle émission, d'ailleurs, que j'ai pu voir. Je vous le dis, allez faire un tour, allez voir ça. C'est intéressant. Ça fait du bien à la télévision, bien honnêtement. Je suis pas toujours impressionné par les contenus télévisuels qu'on peut avoir à se mettre sous la dent. Merci. Donc, ça marche doc.org. Oui, c'est ça, pour le site Internet. Puis aussi, il y a les marches à tous les samedis matins. Également, la prochaine émission, la semaine prochaine, on parle de nordicité. Vous savez que c'est vraiment mon sujet de prédilection, des neiges et trottoirs. Là, c'est mercredi prochain, 19h30. Bon, on écoute ça. Merci, Isabelle. Merci. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful. I was special. You're so very special. And I'm a creep. c'est dur. J'ai quasiment mal au cœur de la couper. C'est une magnifique interprétation de Creep. Jean-Claude, donc actualité, il s'est passé des choses, ma foi, très intéressantes. On va commencer par Justin en Inde. Justin qui est allé en Inde faire du développement économique en principe, resserrer les liens sociaux et économiques, disait-il. C'est pas ça pas en tout qui s'est passé. Quelle affaire! Mais quelle affaire! Mm-hmm. Ouais, je pense que c'est unanime dans la presse là, canadienne, en tout cas, et même probablement indienne, que ça a pas été un grand succès, cette visite. Moi, j'observe évidemment la politique depuis de nombreuses années. J'ai rarement vu un voyage à l'étranger foirer autant que ça. C'est rare. Et évidemment, souvent, le politicien va revenir, on va dire, bon, ça n'a pas donné tout à fait ce qu'on voyait, qu'on pensait, ou encore, on va s'intéresser aux dépenses du voyage. Hein, il est allé là, ça nous a coûté tant. Là, c'est même pas ça. C'est devenu un show de costume. On a focalisé là-dessus à 100%. J'ai jamais vu ça. Puis la question que je me suis posée tout le long, parce que pour connaître des gens qui travaillent au ministère des Relations internationales et qui ont comme mandat de préparer des voyages à l'étranger, c'est minutieux, c'est sérieux, c'est rigoureux. Ils savent exactement où le politicien va aller, à qui il va parler, combien de temps ça va durer, qu'est-ce qu'il va se dire, à quoi ça va servir. Alors ma question profonde, sincère, c'est qui c'est qui a autorisé ça? Qui a préparé ça? Qui a dit, hey, c'est une bonne idée, on l'envoie? Alors qu'il y a des cycles dans notre gouvernement. En Inde, on va être mal reçu. Il ne verra personne de considérable à part un acteur. C'est incroyable. Ben oui, puis moi, j'ajouterais, je suis peut-être allé un petit peu plus sévère que toi, parce que pour moi, c'est sa deuxième échec, parce que ça avait été presque aussi lamentable, j'exagère, là, mais aussi décevant, le voyage en Chine, il y a quelques semaines, mois. Ouais. Et moi, je me disais, ils vont apprendre, parce que les mêmes reproches avaient été faits. Cette voyage était prématuré, t'as pas suffisamment préparé. Et là, on fait quasiment pire à cause cette fois-ci. Donc, c'est comme si on n'apprenait pas à Ottawa, en tout cas au bureau du premier ministre, on n'apprenait pas que ces deux pays les plus populaires de la planète, ces deux pays qui ont le vent dans les voiles, là, c'est l'avenir est là, l'avenir économique de la planète est là. On rate les deux occasions de se démarquer finalement. Non, c'était pas sérieux, puis honnêtement, c'est bien le fun de voyager en famille, là, mais c'est pas ce à quoi on s'attend. On s'attend à des rencontres au sommet avec les plus grands dirigeants, avec les grands politiciens, puis qu'il y a des choses qui se passent. On comprend bien que c'est pas tout à fait le premier ministre qui fait en sorte que le deal va se faire, mais en même temps, on sait très bien que les voyages à l'étranger, c'est pas perdu, c'est pas pour rien, c'est pas juste pour le plaisir, là. Il y a une reconnaissance explicite quand le politicien se rend à l'étranger à dire à son partenaire économique, je veux pas juste que tu m'envoies des chèques, je viens de voir, je trouve ça important, je trouve que les liens qu'on tisse ensemble, c'est important. C'est important l'économie, ça. Absolument. Puis habituellement, c'est qu'on a l'impression que c'est comme une pièce de théâtre toute pratiquée d'avance. Ouais. Ils font comme si c'était improvisé, mais on sait très bien que c'est des négociations qui ont duré des mois, des fois des années. Exact. Puis là, ils font comme si c'était conclu par la visite du premier ministre. Mais au moins, il se conclut quelque chose. Alors que là, il ne semble pas s'être conclu grand-chose. Ouais, beaucoup de caricatures, de dessins puis de sketchs. Alors, c'est très nourrissant pour le prochain bye-bye. C'est merveilleux. Ceci étant dit, Jean-Claude, autre nouvelle qui, ça aussi, ça me fait vraiment sourciller. Matane veut transformer une papeterie en mine de bitcoins, imaginez-vous donc. Je vous lis un court extrait. Matane a été approché par 5 investisseurs anonymes qui rêvent tous de s'installer dans la petite ville gaspésienne pour transformer une ancienne cartonnerie en mine de bitcoins. Ces investisseurs ont contacté Matane au moyen d'intermédiaires et restent pour l'instant anonymes. Impossible donc de savoir si des groupes chinois sont dans la course. C'est intéressant, oui, mais négativement, en fait. Ben oui, oui et non. Ben oui, c'est plutôt négatif en général, là, mais il reste que moi, je trouve ça très symptomatique de notre époque, parce que moi, dans une vie antérieure au gouvernement, des années 80, je me rappelle, un des gros dossiers, c'était la papeterie de Matane, parce qu'on voulait évidemment créer des emplois dans la péninsule gaspésienne à partir de notre ressource traditionnelle qui était la forêt. Puis là, le problème qu'on avait à l'époque, c'est qu'il y avait de moins en moins de bois disponible. Mais tu vois, le 30 ans après, 30-35 ans plus tard, on ne parle même plus de bois. La papeterie est fermée en 2012. On parle d'utiliser l'électricité pour faire des bitcoins. Tu sais, moi, ce qui me fatigue un petit peu, il y a quand même un aspect positif. C'est vrai que là, on a trop d'électricité, apparemment, puis on a de la misère à vendre en Nouvelle-Angleterre. Quant à la perte d'électricité en question, aussi bien faire quelque chose avec, mais moi, je préférais beaucoup qu'on... Je vais faire une blague qu'on a faite il y a quelques semaines, qu'on qu'on alimente plutôt des serres pour produire soit des concombres, des tomates ou du cannabis que faire des bitcoins. Parce que des bitcoins, je me demande, moi, à part que les redevances via Hydro-Québec qui vont aller au gouvernement du Québec, qu'est-ce que ça va rapporter en termes économiques? Très volatile et puis très énergivore aussi. Très, très, très énergivore. Oui, ça, on l'avait mentionné, puis les gens commencent à s'en rendre compte de plus en plus. On l'avait mentionné quand on a parlé des bitcoins au mois de décembre ici, mais c'est extrêmement énergivore. Puis dans l'article dont tu mentionnais tantôt, il y a un porte-parole d'Hydro-Québec qui disait une usine de bitcoin, là, c'est à peu près autour de 200 à 300 mégawatts. Le dernier barrage de la Romaine, là, qui sait que Dieu que c'est controversé, là, qui a été ouvert en octobre, c'était 1500, mais pas 1500, c'était 600 mégawatts. 400 mégawatts, est-ce que... Fait ouais. Qu'imagine-toi, avec une seule usine de bitcoin, on est en train d'aller siphonner le dernier barrage de la Romaine qu'on a ouvert. En quelques secondes, maintenant, la question de la semaine, Jean-Claude. Le mariage, donc, parle-moi de ça, les motifs économiques. Bien, les motifs économiques, je pense que Gary Becker serait un petit peu déçu. Il n'y a pas tout à fait tort. Il y aurait, selon une enquête faite auprès de ménages américains, quels sont les motifs de votre mariage? 28% on dit que c'était pour assurer une stabilité financière. Ça, c'est quand l'autre ne te triche pas. Ben non, mais c'est vrai, tu vois. Mais par contre, là où il, peut-être qu'il va se retourner dans sa tombe, c'est qu'il y en a quand même 88 % qui ont dit que c'était par amour. Ah! C'est quand même étonnant. Là. C'est encourageant, ça. Les gens sont beaucoup trop romantiques, ces Américains. C'est pour ça qu'on vend du chocolat et des fleurs. Ah, OK. C'est ça. Puis il y en a quelques-uns, ben, c'est faire un engagement à long terme, etc. Pour avoir des enfants, même, ça fait même partie des raisons. Imagine-toi. Ben, merci beaucoup, Jean-Claude. Merci. Je t'en prie. Alors, voilà. Oui, c'est ce qui termine cette émission pour cette semaine. Écoute, merci beaucoup Jean-Claude Cloutier pour la collaboration, la recherche. Merci à Isabelle Vaillancourt aussi pour sa chronique, à Hérite d'horreur pour la mise en onde. La semaine prochaine, égalité en emploi et équité salariale. Intervenante de qualité, manquez pas ça. Bonne semaine, merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et écouter en balado. Visitez econophile.net. Je vais mettre les références utiles dans le texte. Merci et à samedi prochain.